Chapitre 7e. La cour était rassemblée dans le salon de Sainte-Catherine, ainsi nommée d'une grande figure de cette patronne qui formait la fresque du plafond. La reine travaillait à un ouvrage de broderie au milieu de ses femmes, mais son aiguille s'était arrêtée et sa main caressait la tête brune de la petite Marie, sa fille, assise sur un coussin à ses pieds. Elle regardait avec angoisse cet enfant menacé de perdre non seulement la couronne, et même l'honneur de sa naissance par le divorce que méditait Henri VIII. Anna de Boleyn, placée dans l'embrasure d'une vaste croisée, était assise devant un métier de tapisserie. Malade, accablée par les événements de la nuit, elle s'efforçait de garder néanmoins une contenance calme et assurée pour ne pas laisser deviner que rien eût troublé le cours habituel de sa vie. Un cercle brun, tracé par la fatigue autour de ses beaux yeux, ombrait seulement ses joues pâlies. Enfin, inquiète et pensive, elle regardait sans les voir les plates-bandes de fleurs du magnifique jardin qui se déroulait devant la fenêtre. Henri VIII remarqua les traces de souffrance empreintes sur son visage. Il s'approcha d'elle et lui présenta un flacon de sel. Anna le prit, et dans ce mouvement, la main de Henri effleura tendrement la main de la jeune fille. Depuis que le roi d'Angleterre s'était imputé à crime, dans les scrupules d'une conscience égarée par une passion nouvelle, d'avoir épousé la femme de son frère, et que pour concilier ses scrupules avec cette passion, il avait formé le projet de répudier Catherine d'Aragon, il avait continué à la voir en public et à lui témoigner les plus respectueux égards. Il était donc venu ce matin, comme de coutume, à la réunion qui suivait le déjeuner de la reine. Or, le bruit que le cardinal avait dû être assassiné le matin même s'était subitement répandu. Ce bruit avait été encore accrédité par l'absence extraordinaire de Wolsey, qui n'était pas venu au lever du roi, et il avait volé par tout le palais, avec la rapidité du désir ou de la crainte, sans qu'on pût remonter à sa source pour juger du degré de créance qu'il méritait. Tout le monde parlait de cet événement dans le salon de Sainte-Catherine, avec une vivacité qui eût pu recevoir bien des interprétations diverses. Les plus graves intérêts se rattachaient d'ailleurs à cet événement. On avait appris le matin même que Wolsey venait d'être chargé par le pape Clément d'examiner et de juger la question du divorce que Henri avait déjà soumise au Saint-Siège. Cette circonstance augmentait encore l'importance de cet homme. Wolsey allait être l'arbitre des destinées de son maître, et de sa décision allait dépendre un événement que Henri appelait de toutes les forces de sa passion, que Catherine d'Aragon repoussait au contraire, avec toute l'horreur d'une reine qu'on veut déposséder, d'une femme qu'on sacrifie à une rivale, d'une mère qui voit déshériter sa fille. La cour s'était divisée en deux camps, comme il arrive toujours, les uns prenant parti pour la passion de Henri, les autres pour les droits de Catherine. On peut donc juger de l'émotion profonde, universelle, que le bruit si subit de la mort de Wolsey dut produire au milieu de telles circonstances. Quant à Henri, quoiqu'il se dît affligé de la fin tragique de son ministre, il éprouvait au fond de l'âme un sentiment de satisfaction et de délivrance. Depuis quelque temps, la supériorité de Wolsey l'offusquait. L'excès de pouvoir de sa créature lui causait de vagues terreurs. La reconnaissance même, ce fardeau si lourd pour la plupart des hommes, l'accablait de tout son poids. Enfin, il craignait que le cardinal légat s'opposât à son union avec Anna de Boleyn. La jeune fille n'avait pas peu contribué dans son aversion instinctive pour le ministre à susciter ses dispositions hostiles dans l'esprit de son royal amant. Henri attendait donc, avec plus d'anxiété encore qu'aucun autre, de nouveaux éclaircissements sur le sort de son favori. Toutefois, sa belle et grave figure n'exprimait aucun trouble apparent. Il était venu s'asseoir auprès d'Anna de Boleyn et l'entretenait en français, langue qu'ils aimaient et possédaient parfaitement tous les deux. La jeune fille, pour dissimuler les vives émotions qui la bouleversaient, au sujet d'un événement dont elle seule pouvait apprécier la vraisemblance, avait repris son travail de tapisserie. En vain, les aiguilles placées entre les mains de toutes les dames d'honneur s'étaient arrêtées dès que la reine avait quitté la sienne. En vain, Lady Surrey, la directrice des dames de la cour, avait rappelé à Anna, par des regards sévères, qu'on ne devait pas continuer à travailler quand Sa Majesté ne travaillait plus. L'élève de la cour de France, qui d'ailleurs n'avait pu se plier à aucune des règles de l'étiquette britannique, continuait machinalement à promener la soie sur le canevas et penchait sur le métier son front pâli par les émotions terribles de la nuit précédente. « Vous êtes bien triste, Anna, » dit le roi. C'est aujourd'hui le 15 mai, répondit-elle. C'est à pareil jour, il y a 6 ans, que je quittais l'Angleterre pour aller en France. J'étais assis sur le pont du bâtiment, au milieu de mes jeunes compagnes, et à côté de votre sœur, de ma royale maîtresse, si bonne et si tendre pour moi. Le flot était d'azur, nos voiles avaient toute la blancheur d'un premier voyage. Jamais un vent plus doux ne guidait un navire plus léger. Il faisait beau dans le ciel comme dans nos âmes. Et moi, à cette même époque, dans ce même mois, dit Henri, je préparais et accomplissais les cérémonies du couronnement. Je donnais le titre de reine à Catherine d'Aragon, et je scellais fatalement une union dont les liens m'oppressent. Ainsi nous agissions, vous et moi, comme de concert, pour nous mieux séparer l'un de l'autre. Ainsi les joies du voyage et les joies du couronnement nous entraînent l'un et l'autre à notre malheur éternel. Hélas, qu'il eût mieux valu ne jamais nous quitter ou ne nous retrouver jamais. Il est vrai, sire, et cependant je ne peux regretter mon séjour en France. Vous étiez donc bien heureuse à cette cour étrangère. J'étais auprès de votre sœur, digne par sa beauté et ses grâces d'être la reine des Français, digne par ses vertus d'être la femme de ce Louis XII que le peuple nommait son père. Et puis, j'étais chez la duchesse d'Alençon, ornement de la cour de François Ier, esprit gracieux et profond, muse qui appelait autour d'elle, et les arts et la poésie. Sous sa douce influence, j'étudiais, je pensais, mon âme épanouissait ses ailes dans un horizon lumineux, et la langue de France, cette langue si douce qui m'était enseignée, avait tant de facilité pour moi que je semblais m'en souvenir plutôt que de l'apprendre. Enfant, vous aimiez mieux les plaisirs de cette cour que sa science. Mais il y a aussi des fêtes à Londres, Anna, et vous en êtes la souveraine. Oui, en Angleterre, on se donne parfois l'obligation d'un divertissement, la tâche d'un sourire. Mais en France, la joie est si naturelle qu'on rit, on chante, on danse comme on respire. La vie n'y est qu'un long plaisir. Les femmes de votre pays n'ont rien à envier aux autres, miss. Ne sont-elles pas aimées et protégées comme elles le méritent? Sans doute. Mais la galanterie des Anglais se borne à la juste protection que le fort doit aux faibles. Les Français ne mesurent pas leur dévouement. Pour vous, l'honneur est un seigneur à qui vous payez les droits qui lui sont dus. Pour eux, c'est une idole à laquelle ils sacrifient toute chose. Cette conversation en français était insupportable à Catherine d'Aragon, qui n'en comprenait pas un mot. Jamais d'ailleurs l'intimité du roi avec sa fille d'honneur ne s'était montrée aussi clairement. Lady Surrey, remarquant la douleur et l'irritation de sa maîtresse, prit sur elle d'interrompre l'entretien en rappelant à Anna que l'anglais était sa langue maternelle. Henri se leva, fit quelques tours dans le salon, puis, au bout de quelques minutes, cédant à son penchant, il se rapprocha d'Anna et le français revint encore sur leurs lèvres. « Oh, pardonnez-moi, disait la coquette jeune fille, pardonnez-moi cette partialité pour la France. Elle vous sera expliquée par ces simples mots. Là, j'étais aimé. De quelque côté que je tournasse mon sourire, je rencontrais un sourire ami. Quelles que fussent les étourderies de ma folle gaieté, elles ne m'attiraient jamais un blâme amer. Quelques galanteries que les hommes prodiguassent à ma jeunesse, je ne rencontrais jamais à côté d'elles de ces regards d'envie qui font tant de mal à l'âme. Je ne rencontrais partout que visages bienveillants, que caressantes paroles, qu'obligeantes courtoisies. Et nulle part, sous ces dehors charmants, la haine d'une rivale, ni l'intrigue d'un ennemi. » En disant cela d'une manière générale, la jeune fille accentuait chaque mot de façon à frapper particulièrement, dans l'esprit seul du roi, quelques-unes des personnes qui étaient là dans le salon ou dont l'absence pouvait en être remarquée. « Oui, ma pauvre Anna, dit Henri avec émotion, je conçois votre attachement pour la France, mais je ne veux pas que cette préférence reste à toujours dans l'âme d'une fille d'Albion. Je vois bien que pour établir la balance en faveur de l'Angleterre, ajouta-t-il d'une voix tremblante, il faudra que celle-ci vous offre une couronne. S'il était acheté aux dépens du bonheur d'une autre, sire, ce serait une couronne d'épines. Quand le Saint-Siège aura prononcé l'invalidité des liens qui m'unissent à Catherine d'Aragon, et par conséquent sa déchéance du titre de reine, il faudra bien qu'elle se fasse une vertu de la résignation. Or, on dit que la vertu, c'est le bonheur. Elle n'acceptera jamais cette décision comme une justice, elle la subira comme une violence, et elle nous maudira. Non, Anna. Car dans l'état présent des choses, cette séparation est ce qui peut lui arriver de plus heureux. La cour de Rome est trop sage pour faire souhaiter le veuvage à qui veut bien se contenter du divorce. Anna de Boleyn frémit des idées qu'elle vit passer dans l'esprit de Henri. Elle eut peur un instant de ce terrible amour. Elle regretta peut-être de n'avoir pas épousé un pauvre ménestrel de France qui avait osé être amoureux d'elle. Mais l'ambition reprit bientôt le dessus dans son âme. « Vous oubliez dans vos projets, dit-elle, celui qui a tant de pouvoir pour les servir ou les déjouer. Le cardinal Wolsey est votre confesseur, votre ministre, le légat de Rome, le chancelier du royaume. Il est plus encore, miss. Il est maintenant l'arbitre chargé par la cour de Rome de prononcer irrévocablement sur cette grande affaire. C'est à lui qu'il appartient de délier dans le présent ou de lier pour l'éternité. Eh bien, sire, à tous ces titres de votre ministre, il faut joindre celui du plus acharné de mes ennemis. Hier encore, vous avez pu voir avec quelle joie cruelle il a saisi l'occasion de m'humilier devant toute la cour en offrant à cette Catherine Gordon, à cette femme que je déteste, la perle qui, selon votre intention, j'aime à le croire du moins, m'était destinée. Mais la haine de cet homme s'étend sur toute ma famille. N'a-t-il pas l'autre jour levé insolemment sa cravache sur mon frère Georges parce qu'il devait avoir un duel avec le pupille favori de ce ministre, le jeune comte Arthur Derby? La haine du cardinal tient à la conviction où il est que je suis attaché secrètement aux doctrines de Luther. Il craint l'influence d'une pauvre enfant comme moi sur l'esprit d'un théologien tel que vous. Et il pense que si nous étions unis, l'hérésie de mon âme passerait dans la vôtre, pour envahir ensuite toute l'Angleterre. Voilà pourquoi, sire, croyez-le, vos liens avec Catherine d'Aragon ne sont jamais rompus. Vous le voyez donc bien, je ne serai jamais à vous. Henri frémit de colère à ces derniers mots dont l'effet avait été préparé avec tant d'art par la coquette et rusée jeune fille. « Mais cet homme, s'écria-t-il, cet homme n'est pas immortel. En ce moment même, s'il faut en croire la rumeur, il ne peut déjà plus faire obstacle à notre bonheur. Vous l'avez entendu, des tentatives d'assassinat ont dû être faites contre lui ce matin au point du jour, et il n'a point paru ce matin au conseil. Mes envoyés l'ont cherché vainement à son palais. » Anna savait mieux que personne les dangers que le cardinal avait pu courir, mais elle ignorait le résultat de l'effroyable complot dont elle avait été l'invisible témoin. Henri ajouta « Et d'ailleurs, à supposer qu'il vive encore, cet homme ne peut-il pas quelque jour perdre le pouvoir, sinon la vie? Son luxe effréné, ses exactions, son orgueil, son génie même l'ont rendu en horreur au clergé, à la noblesse, à tout le monde, le peuple excepté. Mais qu'est-ce que le peuple en pareil cas? Ce peuple d'ailleurs est bien mobile dans ses affections. Mais sire, la vôtre est plus durable et vous ne cesserez pas de protéger cet homme. Ce serait en effet mon devoir de prince. Mais un prince, Anna, ne fait pas tout ce qu'il veut, quoique Wolsey me le dise sans cesse. Et puis à côté de ce devoir, il en est un autre, que je ne puis méconnaître. C'est celui d'examiner sérieusement les accusations qui s'élèvent de toutes parts. Je dois protection à mon ministre, c'est vrai. Mais je dois justice à tous. Or, voyez, Anna, depuis que le bruit de sa mort s'est répandu, voyez quel air de joie brille sur la figure de tous ces lords. Voyez Lord Tonquin, le grand maître de notre université. Voyez l'armateur de Brighton. Voyez le doyen de la cour des pairs. Déjà, sans doute, ils se partagent la succession du défunt. À nous maintenant, pense-t-il, à nous le pouvoir, la direction des affaires, le gouvernement du commerce et des arts, la distribution des emplois, les bénéfices, les honneurs, tout. Comment voulez-vous que je puisse protéger longtemps l'ambitieux repu contre toutes ces ambitions à repaître? En ce moment, un huissier ouvrit la porte à deux battants et dit à haute voix « Son Excellence, le cardinal Wolsey !» À ce nom, qui retentit aux oreilles des courtisans et de Henri lui-même, comme un coup de tonnerre, la stupeur fut générale. Puis les visages changèrent de décoration, les physionomies exprimèrent une fausse joie et les plus vifs témoignages d'affection accueillirent sa grâce. Le roi, qui n'était pas encore préparé à se mettre en état d'hostilité ouverte contre son ministre, le félicita vivement de son retour et lui présenta son auguste main à baiser. Wolsey, pour excuser une absence qui avait, disait-on, causé tant d'inquiétude à tout le monde, dit que les derniers devoirs de la religion à rendre lit de mort à un homme de haute distinction l'avaient retenu toute la dernière partie de la nuit hors de son palais, expliqua ainsi la fatigue et les terribles émotions que trahissait sa figure. Quant à la reine, elle le combla de marques d'affection, elles étaient sincères. La réapparition si peu attendue du cardinal nous force à entrer dans quelques explications sur les événements de la nuit précédente. On se souvient qu'entre le banquet qui finissait et le bal qui allait s'ouvrir, dans son château de Hampton Court, Wolsey avait été averti secrètement par un de ses agents que le chef des assassins stipendiés, le fameux Moluc, que les officiers de justice et les ministres eux-mêmes toléraient parce que dans ces temps de troubles et de violence, ils avaient quelquefois besoin de ses odieux services, était appelé à 5 heures du matin dans la maison du moine Hopkins et devait s'y rendre avec un des hommes à sa solde. Wolsey fit aussitôt arrêter Moluc, se le fit amener et acheta prix d'or sa coopération et son dévouement. Puis, toutes ces conventions faites avec ce chef de bandits, il retourna présider la fête qu'il donnait au roi. Après le départ de ses illustres convives, Wolsey rejoignit Moluc, revêtit le costume de celui que ses compagnons appelaient François le Taciturne, et tous deux se dirigèrent dans l'ombre vers la maison du moine Hopkins. Wolsey voulait juger par lui-même de la nature et de l'importance du complot qui, à coup sûr, devait s'y tramer. Mais ce ne fut que chez l'astrologue et en présence des conjurés qu'il connut toute la gravité du danger qui le menaçait personnellement. Il était trop tard pour reculer. La témérité était devenue prudence et en pareil cas, il prit alors la résolution que nous l'avons vu exécuter et qui flattait d'ailleurs son caractère aventureux et son audace naturelle. Il lui semblait que remettre à une autre main le soin de sa vengeance, ce serait ne se venger qu'à moitié de Hopkins, son plus implacable comme son plus odieux ennemi. Le prêtre voulait frapper lui-même le prêtre. Il le frappa, en effet, et ce fut lui qui fut vainqueur dans ce duel horrible, à la fin duquel le cadavre du moine ensanglanta les flots du torrent. Le matin, à son retour dans son palais, le premier soin de Wolsey avait été d'envoyer 20 gendarmes, avec un ordre d'arrestation, à la recherche de Sir Amias Paulet et de Lord Buckingham. Malgré toute sa colère, il n'avait pas osé employer la même rigueur envers le troisième complice, le jeune George de Pollen, qui tenait de trop près aux affections du roi et l'avait été réduit, pour s'en consoler, à se promettre de le perdre plus secrètement. Cela fait, il s'était rendu en toute hâte à la cour, où nous avons vu sa présence causer tant de désappointement. Il était environ 3 heures de l'après-midi lorsqu'il se retira. Il gagna rapidement son palais de York et se rendit dans un pavillon situé au milieu du parc, dans l'endroit le plus ombragé et le plus solitaire. Wolsey, retiré seul dans ce lieu de prédilection, se reposa enfin des émotions terribles qui venaient de l'accabler. Épuisé, anéanti, il versa un flacon de vin de Chypre dans la vaste coupe ravie à la communauté des Chartreux et la vida tout d'un trait. Puis en replaçant le vase sur son piédestal, il crut voir des caractères tracés dans le fond et qu'il n'avait pas remarqués jusqu'alors. Il remarqua plus attentivement et lut en effet ces mots qui avaient gravé grossièrement la pointe d'un stylet. « Prêtre dévastateur de Hinton, le prêtre serviteur de Hinton te poursuivra jusqu'à ta mort. » Wolsey tressaillit, puis se remettant, il dit avec une sorte de gaieté forcée. « La vérité n'est pas toujours dans le vin, car aujourd'hui même j'ai vu le corps du prêtre serviteur de Hinton tomber sous un poignard et roulé dans le flot ensanglanté. Et cependant, ajouta-t-il après un instant de rêverie sinistre, ma vengeance n'est pas satisfaite encore. Ce n'était point assez que de tuer cet exécrable moine. J'aurais voulu pouvoir l'anéantir. » Catherine Gordon entra en ce moment même. C'était elle qu'il était venu attendre dans ce sanctuaire. C'est encore vous ? S'écria-t-il en allant au-devant d'elle. C'est votre influence favorable, ô Catherine, qui m'a sauvé cette nuit. Wolsey, vous avez toutes les superstitions de la tendresse. Croyez moins à ma puissance et croyez un peu plus à la réalité des choses. Tout votre bonheur jusqu'à ce jour, vous l'avez dû à votre audace et à votre prudence, à la réunion de ces deux qualités opposées qui font seules les grandes destinées. Ne mettez donc votre force qu'en vous-même et en Dieu. Il y a des complots tramés contre vous ailleurs encore que dans la maison de Hopkins. La jeune favorite est plus dangereuse qu'un astrologue. Elle vous nuit dans l'esprit du roi. Elle se dit persécutée par vous et conduit doucement Henri à vous haïr de tout l'amour qu'il a pour elle. Enfin, la noblesse vous repousse. Vous, le parvenu de Suffolk et démissionnaire du clergé, vont par tout le monde prêchant une sainte croisade contre votre pouvoir. Vous voyez bien, Milord, qu'il est besoin aujourd'hui de toute votre force et que ce serait folie que de vous appuyer en si grand danger sur une pauvre femme, sur un frêle roseau qui peut se rompre à la moindre tempête. Eh bien moi, Catherine, J'ai la conviction que toute ma force est en vous, et que le jour où votre appui me ferait défaut ne serait plus pour moi qu'un jour de ruine et de malheur. Mais pour chasser ces tristes pensées, prenez votre harpe, Catherine. J'ai besoin de l'entendre comme au jour de ma jeunesse. Pardonnez cette fantaisie. Les superstitions du cœur sont toujours excusables. » Catherine prit sa harpe. L'instrument ne rendit que des sons discords et sourds qui ressemblaient à de lugubres plaintes. « L'humidité aura distendu ses cordes, » dit Catherine en portant la main sur les clés pour les accorder. Ma peine y avait-elle touché que trois cordes se brisèrent en gémissant. « Il faut y renoncer, » dit tristement Walsey. « C'est peut-être un bonheur, » répondit-elle, « car véritablement, mon ami, nous avons à nous occuper en ce moment de choses autrement graves que de pareilles fantaisies. Venez me rejoindre à l'instant même chez moi. J'ai des communications importantes à vous faire. Venez, quittons ce pavillon. » Tout à coup, on entendit quelques bruits dans le feuillage environnant. « Quelqu'un nous aurait-il entendu ?» dit Catherine en pâlissant. Walsey regarda autour du pavillon et n'aperçut rien. « C'est sans doute quelque daim effrayé qui regagne son gîte, Catherine. Ne serions pas plus timides que lui. » Walsey dit cela en souriant. Mais malgré son courage naturel, les mots menaçants qu'il avait lus sur la coupe du prieur de Hinton avaient laissé dans son âme une terreur invincible. « Je vais rentrer au palais, » dit-il. « Je terminerai quelques affaires, et selon votre désir, Catherine, et j'irai vous rejoindre aussitôt. » « Il n'est pas d'affaires qui doivent l'emporter, » dit-elle, « sur celle de votre salut. Les communications que j'ai à vous faire sont des plus pressantes. Prenez sans plus de retard le passage qui conduit à ma demeure, et pour qu'on ne nous voie point sortir ensemble, si quelqu'un épie réellement nos démarches, je vais prendre moi le passage qui mène à votre palais. » Depuis que Walsey était à la cour, Catherine Gordon avait été, pour ainsi dire, sa nymphe égérie. Dans l'endroit le plus retiré du parc d'York, il avait fait construire pour la recevoir le pavillon où nous venons de les voir, et afin que leurs entretiens fussent aussi secrets que possible, il avait fait établir des passages souterrains, dont l'un conduisait à son palais de York et l'autre à la maison particulière que Catherine menait habiter toutes les fois qu'elle n'était pas retenue auprès de la reine par les devoirs de sa charge. Ces chemins creusés sous le sol étaient tapissés de mousse, accidentés de rochers et percés de loin en loin par des crevasses qui laissaient passer dans l'intérieur quelques rayons d'une lumière douteuse. Catherine suivit, comme elle venait de le dire, celle de ces routes souterraines qui conduisent au palais de York et que le cardinal ministre prenait ordinairement tandis qu'il se dirigeait par celle qui aboutissait à la demeure de Lady Gordon. Catherine marchait, réfléchissant à la situation périlleuse de Walsey, lorsque tout à coup elle crut entendre quelque bruit derrière le rocher vers lequel elle s'avançait en ce moment. Ses pas étaient si légers qu'ils ne pouvaient avoir été entendus. Elle s'arrêta et prêta l'oreille. Deux personnes, que l'angle du roc l'empêchait de voir, s'entretenaient à voix basse. Catherine ne put saisir que quelques mots entrecoupés. « Il a quitté le pavillon. Il sera bientôt ici. »« Attendons à ce détour du rocher. La place est bonne. »« Oui, mais ne bouge donc pas. Tes armes carillonnent comme des cloches. »« Silence, je viens d'entendre quelque chose. »« Regarde dans l'ombre. »« Aperçois-tu cette masse noire ?»« Oui, c'est lui. Attention. » Il n'y avait pas à s'y tromper. Ceux qui avaient laissé échapper leur victime la nuit passée voulaient sans doute la retrouver ici. Catherine comprit que si elle jetait le moindre cri qui pût la faire reconnaître, ces hommes auraient le temps de gagner l'autre passage et que Walsey n'en sortirait plus vivant. Le dévouement l'emporta sur la terreur. Elle s'avance résolument. À peine a-t-elle dépassé l'angle du roc qu'une imprécation de mort se fait entendre et que la pauvre femme sent le froid du fer pénétrer deux fois dans son sein. Elle tombe sanglante sur le sol. En ce moment suprême, elle a le sublime courage de ne pas pousser un seul cri de douleur qui puisse détromper ses assassins. Il n'a pas même dit merci en tombant, dit l'un d'eux. Ce n'est guère poli pour un cardinal. C'est que nous l'avons tué raide, répondit l'autre. Oui, reprit le premier, et sans nous flatter, voilà une besogne proprement faite. Et les deux misérables s'enfuient.